Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Les truands, leur roi en tête, vont-ils sauver Esmeralda, qui avait trouvé asile dans la cathédrale Notre-Dame de Paris? Quasimodo les comprendra-t-il? Ou au contraire, se trompera-t-il sur leurs intentions? Louis XI sera-t-il informé de la révolte organisée par les habitants de la Cour des Miracles? Et quel sort réservera-t-il aux truands arrêtés? Voici les 49e, 50e, 51e, 52e et 53e épisodes du feuilleton Notre-Dame de Paris, diffusé pour la première fois sur la chaîne parisienne les 12, 13, 14, 15 et 17 juin 1957. La radiodiffusion française présente l'œuvre célèbre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Texte et production de Jacqueline Lenoir. Hé, hey, clopin Trouillefour, qu'est-ce que tu veux, Rémi Belface? Doit-on allumer les torches? Oui. Fais toute la lumière maintenant. Et qu'on me passe mon étendard. Ouais. Je vais l'aller planter devant l'ennemi, comme il se doit. Allez, allumez les torches. À toi, Louis de Beaumont, évêque de Paris, conseiller en la cour de parlement. Moi, Clopin Trouillefou, roi des truands, grand couet, prince de l'argot, évêque des fous, je dis. Notre sœur Esmeralda, faussement condamnée pour magie, s'est réfugiée dans ton église. Tu lui dois asile et sauvegarde. Or, la cour de parlement veut l'y reprendre, et tu y consens, si bien qu'on la pendrait demain en place de grève, si Dieu et les truands n'étaient point là. Sans doute, ton église est-elle sacrée, évêque de Paris, mais notre sœur Esmeralda l'est aussi. En acceptant de transgresser le droit d'asile, tu profanes l'église dont tu as la charge. C'est pourquoi nous te sommons de nous rendre celle à qui tu devais protection, ou bien nous la reprendrons par la force, et alors ton église sera pillée. En foi de quoi je plante si ma bannière, et invoque la protection divine, évêque de Paris. Ouais. Ces paroles étaient dites avec une sorte de majesté sombre et sauvage. Un truand présenta sa bannière à Clopin Trouillefou qui la planta solennellement entre deux pavés. Cette barrière était une fourche, aux dents de laquelle pendait saignant un quartier de charogne. Malheureusement de cette harangue, Quasimodo ne pouvait entendre un mot. Lorsqu'il vit toutes les torches éclairer cette masse d'hommes en armes, aux mines farouches, à l'allure redoutable, il comprit qu'il s'approchait d'une situation violente et crut que le peuple voulait reprendre Esmeralda pour la tuer. Ils veulent la prendre. Ils veulent la prendre. Mais jamais je ne les laisserai faire. Jamais. Esmeralda, tu peux dormir tranquille. Je suis là, moi, Quasimodo. Je vais les bombarder avec des pierres dans la charpente de la tour méridionale. Les compagnons ont laissé des madriers, des feuilles de plomb, des solives. Pour toi, je vais me battre, Esmeralda. Je suis fort. Ils vont s'en apercevoir. Je vais tout faire tomber du haut des galeries. Ils sont écrasés comme la vermine. En avant les fils, à la besogne les hutins. Camarades, je gage ma tête contre une pantoufle que vous aurez ouvert la porte, enlevé Esmeralda et pillé l'église avant qu'il y ait un bedon d'accouru. Ah, à moi, Alex, la jambe est écrasée. Au secours, au secours, dégagez-moi. Ah bah, je l'ai échappé d'elle. J'en ai senti le vent, tête bœuf. Mais Pierre, la sommaire, est assommée. Mais que se passe-t-il? Comment ce madrier est-il tombé du haut des tours de Notre-Dame? On voit personne. Que Dieu, est-ce que les chanoines se méfiaient? Clopin, Clopin, il faut dégager les hommes qui sont écrasés sous la poutre. Vas-y, toi, Frollo. Oui. Et commande les autres. J'y cours, patron, c'est magnifique. Quelle belle soirée. Gringoire. Gringoire, comment expliques-tu cela? L'église se défend. Mais l'évêque était-il prévenu? Mais non, je te l'affirme. La chose aurait dû se passer tout simplement. Alors ne perdons pas de temps. À l'œuvre, les truands! Et cette fois, je vous permets de saccager l'église. Nous ne voulions qu'Esmeralda, mais puisqu'on nous y oblige, ce sera la révolte. Qu'on force la porte! C'est impossible, Clopin. La porte est toute cousue de barres de fer. Les pinces n'y peuvent rien. Eh bien, prenez un bélier. Et il faudrait une énorme poutre. Gognio! Les chanoines nous ont envoyé un madrier sur la tête. Nous allons le leur retourner. Dieu pourvoit aux besoins des truands pour l'entre Moïse de ses fils. Attention à la mêlée! Hé! Viens avec moi, je suis coincé! Oh, sang Dieu, j'ai chaud! Oh! Oh! Lise! Oh! Courage, les huteurs! Foncez dans le milieu! Oh! Allez! Recommencez! Allez! Allez! C'est Jean-Pierre! Lieutenant, venez par ici, ils sont moins nombreux! Attrapez-moi ce lascar qui regarde faire les mains dans ses poches. Il pourra toujours donner des renseignements. Mais voulez-vous me lâcher? Mais lâchez-moi, sale brute, lâchez-moi. À moi, au secours! Viens de rappeler du côté des archers, bandits, on saura te répondre. Mais je suis pas un bandit, enfin j'ai rien fait, au secours! Attends, mon ami, tiens bon, l'ami. Bande de vaches. Passez-moi le garrot, là. Tiens, vous la ficelez, mes gaillards! Mais j'ai rien fait, je vous dis enfin quoi, laissez-moi donc tranquille! Ah ben c'est vrai tout de même, on était venu là seulement pour jouer! Avec une serpe à la main, bien sûr, en cas de besoin! Je suis vigneron, je m'en sépare jamais! Je vous emmène donc, mon lieutenant, à la prévôté! La prévôté n'a qu'à faire son travail! Nous sommes les archers du roi, allons chez le roi! Une histoire comme celle-ci pourrait l'intéresser! Messieurs, le roi! Majesté, votre majesté. C'est bon, messieurs, c'est bon. Mettons-nous au travail. Mon médecin est-il là? Oui, majesté. Faites-moi donc apporter une de vos détestables tisanes. J'éprouve quelque aigreur au creux de l'estomac. J'y vais de ce pas, mais n'espérez pas vous guérir avec ces remèdes-là. M'avez jamais guéri de rien, messire Jacques Coictier. Je me demande toujours pourquoi je vous paie. Et moi, je me demande pourquoi je vous soigne. Lorsque nous serons au fait de cette double énigme, monsieur mon médecin, l'un de nous deux disparaîtra. Et peut-être m'offrirai-je le plaisir de vous survivre. Allez. Olivier! Avance avec tes papiers et mets la chandelle entre nous. Je veux vérifier tes comptes pendant que tu les énumères. Martin, tu portes encore un habit neuf? Sire, il faut que vos serviteurs relèvent le prestige dont vous faites fi. J'ai mieux à faire que de le mettre sur mes habits, Olivier le Dain. C'est mon argent que tu dépenses. Voilà pourquoi il te coûte peu. Fais-moi voir de plus près. Tu es superbe. Un juste au corps écarlate rayé d'argent, une casaque de drap d'or à dessins noirs. Tu es glacé de flammes sur toutes les coutures. Je ne vois autour de moi que gens qui s'engraissent de ma maigreur... Les chiens de garde doivent être nourris pour défendre leur maître. Tu as un appétit féroce, Olivier. Allons, je t'écoute. En cette année, ont été faits par ordonnance de justice à son de trompe par les carrefours de Paris 56 cris dont les comptes sont à régler. Et quand les règles, je n'aime pas les dettes. Pour avoir fouillé et cherché en certains endroits, tant dans Paris qu'ailleurs, de la finance qu'on y croyait cachée, mais rien n'a été trouvé, 45 livres parisis. Enterrer un écu pour déterrer un sou, ça n'a pas de sens commun. Pour avoir fait et livré par le commandement du roi, le jour des monstres, 4 écussons aux armes du dit seigneur, enchapsé de chapeaux de rose tout alentour, 6 livres. Pour 2 manches neuves au vieux pourpoint du roi, 20 sols. Pour une boîte de graisse à graisser les bottes du roi, 15 deniers. Plusieurs cloisons, planches et trappes pour en enfermer les lions, 22 livres. Ah, voilà. Voilà des bêtes qui sont chères. N'importe. C'est une belle magnificence de roi. Voici votre tisane. Ah, donnez, donnez, donnez. C'est ignoble. Vous y avez mis de la morue à moitié. J'essaie un mélange nouveau. La prochaine fois, utilisez la recette qui vous donne si bonne mine. Sait-on jamais? Elle pourrait me convenir. Ah, je t'écoute, Olivier. Il y a les dépenses de la maison. Fais voir, fais voir. Deux chapelains à raison de 10 livres par mois chacun et un clerc de chapelle à 100 sols. Un valet de chambre à 90 livres par an. Ah, mais qu'avons-nous besoin d'une si prodigieuse maison? Vous me ruinez! Vous me sucez les écus par tous les pores de la peau! 4 écuyers de cuisine à 6-20 livres par an chacun. Un potager, un saucier, un queue, un sommelier d'armure. 2 valets de sommier à raison de 10 livres par mois chaque. Et le maréchal des forges, 26 livres. Et le maître de la chambre, 1200 livres. Et le contrôleur, 500. Que sais-je encore? C'est une furie! Les gages de nos domestiques mettent la France au pillage! Nos dépenses ont doublé en 4 ans, c'est monstrueux! Mais, maître Olivier, les princes qui règnent ne doivent pas laisser engendrer la somptuosité en leur maison, car de là, ce feu court par la province, et notre pays peut en éclater! Là! Là! À quoi sert de vous mettre dans des états pareils? Votre bile vous échauffe et vous y resterez. Hein, voilà. Vraiment. Mon compère, je souffre beaucoup. J'ai l'oreille sibilante et des râteaux de feu. Des râteaux de feu qui me raclent la poitrine. Donnez-moi votre peau. Voilà, voilà. Tirez la langue et dites « Ah !» Ceci est grave. Ah, n'est-ce pas? Je le sentais bien depuis un moment. Mais avant 3 jours, une crise pareille peut emporter son homme. Pas que Dieu, je ne veux point mourir. Oh, et j'ai mal à ne plus avoir le désir de vivre. Vite le remède, compère. J'y songe, sire. Laissez-moi réfléchir. Au fait, monseigneur, j'oubliais de vous en parler. Savez-vous que se trouve libre une recette de péage et que j'ai un neveu sans emploi? Je donne la recette à ton neveu, compère Jacques, bon. Mais... Tiens-moi ce feu de la poitrine. Puisque votre majesté est si clémente, elle ne refusera pas de m'aider un peu en la bâtisse de ma maison, rue Saint-André-des-Arts. Veux-tu revenir? Il me faut un toit, et je suis au bout de mes finances. Combien est-ce ton toit? Ma foi, un toit historié et doré, 2000 livres au plus. L'assassin, il ne m'arrache pas une dent qu'il soit un diamant. Ai-je mon toit? Oui, va au diable! Mais guéris-moi. Sire, c'est un répercussif qui vous sauvera. Nous vous appliquerons sur les reins le grand défensif composé avec le cérat, le bol d'Arménie, le blanc d'œuf, l'huile et le vinaigre. Vous continuerez votre tisane et nous répondons, votre majesté. C'est bien. Aide-moi à me remettre sur ce fauteuil. Là. Dépêche, mon bon, voilà. Dépêche. car j'ai payé d'avance. Là. Olivier. Olivier, tu peux recommencer tes litanies. Eh bien, qu'est-ce là ? Vous entrez bien brusquement chez le roi. Sire, il y a une révolte. Paris est à feu et à sang. Que dites-vous là ? Parlez, monsieur. Il y a une émotion manant dans notre bonne ville de Paris. Oui, sire. En cheminant de la grande truanderie vers le pont aux changeurs, je l'ai rencontré moi-même comme je venais ici. Et contre qui en ont-ils ? Contre le bailli de Paris, sire. Contre le bailli de Paris ? Oui. Tiens. Oui, mais pas les faire! Ne découragez pas! Continuez, mes hutins! Nous y entrerons dans cette église du diable! Allez! Allez! Oh, ah, mon Dieu! Ah, je suis foutu! Rémi! Ah. Rémi Belfast, mon compagnon! Mon Dieu, Frollo! J'ai reçu. Un moellon en pleine gueule. Mes yeux pissent le sens. J'y vois même plus clair. Puis j'ai mal. J'ai fini, Rémi Belfast. Tu vois, j'aurais été beau que pour les filles. La mort, elle m'aura avec une tête écrasée au mortier. C'est bien fait pour elle. Mais non, je vais te traîner jusqu'à une maison, on va te soigner. Non, c'est pas la peine. Écoute, Frollo. Oui. Si on sauve Esmeralda. Oui. Tu lui diras. Ne te fatigue pas, Rémi. Je sais que tu l'aimes. Oui. Ah oui. Mais tu lui diras avec des mots à toi. Oui. T'as de l'instruction. Tu sauras. Moi, je peux seulement crever en pensant que c'est pour elle. Voilà. T'as compris ? Oui. T'as compris ? Oui, Rémi, oui, mon vieux. Tu peux avoir confiance, oui. Belfast ! Non, c'est pas possible. Il est mort. Tu vois ? Notre-Dame donne du travail aux faux soigneurs. Chienne d'église. On y mettra le feu s'il le faut. Pelvine de l'étoile et la poitrine défoncée. Audrey de Rouge et une jambe brisée. On marche sur les cadavres de mes truands. Quand du diable, qu'est-ce qui se passe? Il y a une armée invisible qui nous assomme du haut des toits. Mais il y a donc un moyen de forcer cette porte? Si. Elle va finir par céder, mais on perd du temps avec tous ces blessés. Et puis les gars commencent à avoir peur. Ils pensaient se battre avec les archers du guet. Et là, on ne sait pas où ça tombe. Et ça tombe dur. On reçoit les coups sans pouvoir les rendre. Ils sont démoralisés. Bientôt, ils vont rouler aux démons, aux anges, j'en sais rien, mais ils vont plus oser s'attaquer à l'église. Il faudra trouver le moyen d'entrer et d'ouvrir par l'intérieur. J'ai une idée, Clopin. J'ai une idée. Oui, tu connais une porte secrète? Non, mais j'ai trouvé quand même. Il me faut seulement une échelle. Oui. Une très longue échelle. Oui. Quasimodo, que se passe-t-il? Pourquoi se bat-on sur le parvis, dis-moi? Toute cette foule qui hurle, j'ai peur. Il ne fallait pas venir, Esmeralda. Reste dans ta logette. Ils envoient des flèches, de la mitraille. Tu pourrais être blessé. Mais comment veux-tu que je dorme quand on assiège l'église? Quasimodo, peux-tu comprendre ce que je dis? Crois-tu que ce soit à cause de moi? Esmeralda, je voudrais que tu t'en ailles. Il ne faut pas qu'il te trouve. Va dans ta chambre, enferme-toi. Je suis là, moi. Ils ne t'auront pas. Quasimodo est fort, très fort. Mon Dieu, je ne m'étais pas trompée. C'est moi que tous ces gens viennent chercher. Quelle horreur! Ils veulent me tuer, me pendre, me lapider. Oh, ils sont des centaines et je suis toute seule. Regarde. Oh. Regarde, Esmeralda. Tu es bien défendue. Viens voir. Oh. Les compagnons ont laissé un gros chaudron, là, sur cette plateforme. Viens voir. J'ai allumé un feu dessous et j'y ai mis à fondre tout ce que j'ai trouvé comme plomb. Oh. Quand il sera brûlant, je renverserai le chaudron et le plomb s'écoulera par ces deux rigoles, là, qui dégorgent au-dessus de la façade. Tu vois? Oh, oh, c'est affreux. Quasimodo, j'ai peur. Toi aussi, tu me fais peur. Oh, je vois sur ton visage que tu es effrayé. Retourne chez toi, Esmeralda. Oui. Cours! C'est pas beau à voir. Tu as raison. Mais ils veulent te tuer. Et moi, je ne veux pas. Alors je n'ai pas pitié d'eux. Va-t'en! Va te mettre à l'abri! Oui, oui. Du plomb! Du plomb fondu! Du plomb fondu! Pour ceux qui veulent toucher Esmeralda! C'est Quasimodo qui vous l'envoie! Le sonneur de cloche! Pardieu, c'est lui qui nous tient tête! J'aurais dû m'en douter! Lui seul, tu crois? Mais il est d'une force surhumaine! Mais ça y est, j'ai trouvé mon échelle! Et maintenant, tu vas voir, clopin trouille-fou, si je ne vais pas faire honneur aux truands! Vous me lâchez, enfin! Mais que me veut-on d'abord? Pour l'instant, de garder, après on verra. Mais je suis poète et philosophe, moi je n'ai rien fait. Je m'appelle Pierre Gringoire. Tu auras tout le temps dans une oubliette de méditer sur tes œuvres. Dans une oubliette? Mais où suis-je donc? À la Bastille. Et notre sire y loge présentement. Eh ben, s'il est ici... Je veux le voir, le roi. Hein? Hein? Hein? Hein? Je veux le voir, entendez-vous? Je veux voir le roi. Où il est? Je veux voir le roi. Voyons, Tristan. Que disais-tu qu'il criait, ces émeutiers? À mort, le bailli du palais. Et quels griefs font-ils contre le bailli? Parbleu, qu'il est leur seigneur. Leur seigneur, vraiment? Oui, sire, ce sont des maraudes de la cour des miracles. Voilà longtemps qu'ils se plaignent du bailli, dont ils sont les vassaux. Ils ne veulent le reconnaître ni comme justicier, ni comme voyer. Oui, j'entends bien, j'entends bien. Dans toutes leurs requêtes au Parlement, ils prétendent n'avoir que deux maîtres, votre majesté et leur dieu, qui est sans doute le diable. Reconnaître leur roi comme unique souverain, voilà qui ne manque pas après toute logique. Dis-moi, Tristan, sont-ils en force? Oui, certes, monseigneur. Combien? Au moins 6 000. Fort bien. Sont-ils armés? Des faux, des piques, des haches, des pioches, toutes sortes d'armes violentes. Si votre majesté n'envoie pas promptement du secours au bailli, il est perdu. Nous en verrons. Certainement, nous en verrons. Monsieur le bailli est notre ami. 6 000 hommes. La hardiesse est forte et nous en sommes courroucés. Mais nous avons peu de monde cette nuit autour de nous. Il sera temps demain matin. Pour Dieu, sire, envoyez avant demain matin. Le bailliage aura 20 fois le temps d'être saccagé. La seigneurie violée, le bailli pendu. C'est tout de suite qu'il faut agir. J'ai dit demain matin. Olivier. Oui, sire. Mon compère Olivier, tu dois savoir cela. Quel est la juridiction féodale du bailli. Sire, le bailli du palais possède la rue de la Calandre, jusqu'à la rue de l'Herberie, la place Saint-Michel et les lieux vulgairement nommés les Mureaux, assis près de l'église Notre-Dame-des-Champs. Lesquels hôtels sont au nombre de 13, plus la cour des miracles, plus la maladrerie, plus toute la chaussée qui commence à cette maladrerie et finit à la porte Saint-Jacques. De tous ces lieux, le bailli est plein seigneur. Cela fait un bon bout de ma ville. Et monsieur le bailli était roi de tout cela. Il avait entre les dents un gentil morceau de notre Paris. Pâques Dieu! Qu'est-ce que ces gens qui se prétendent seigneurs et maîtres chez nous, qui ont leur péage à tout bout de champ, leur justice et leur bourreau à tout carrefour parmi notre bon peuple, de façon que le français compte autant de rois qu'il voit de gibets? Je voudrais bien savoir si c'est la grâce de Dieu qu'il y ait à Paris un autre seigneur que le roi, une autre justice que notre parlement. La chose est mauvaise, et cette confusion me déplaît. Sur mon âme, il faudra bien que le jour vienne où il n'y aura en France qu'un roi, qu'un seigneur, qu'un juge et qu'un coupe-tête. Entendez-le et sachez-le, vous tous qui êtes ici. Il y a de solide que le peuple, s'il se révolte, c'est qu'il a raison. Va, va, mon peuple, vas-y bravement, brise ces faux seigneurs, fais ta besogne, pille-le, pond-les, fais ta justice. Vous voulez être roi, mes petits seigneurs? Eh bien, portez-en à ce jour la responsabilité. À propos, sire, j'ai oublié cela dans le premier trouble. Le guet a saisi deux traînards de la bande. Si votre majesté veut voir ces hommes, ils sont là. Si je veux les voir. Oui. Mais bien sûr. Et cours vite, toi, Olivier. Va les chercher. Quant à vous, compère Tristan, n'ayez crainte. Nous secourons monsieur le bailli. Par malheur, nous n'avons pas de troupes ici contre tant de populaires. Il faut attendre jusqu'à demain. Nous remettrons l'ordre dans la cité et nous punirons vertement tout ce qui sera prêt. Sire, voici les deux lascars. Allons, avancez, vous en avez. Comment t'appelles-tu, toi? Geoffroy Pincebourde. Quel est ton métier? Truand. Qu'allais-tu faire dans cette émeute? Je sais pas. On allait... Alors moi, je suivais, quoi. N'alliez-vous pas outrageusement attaquer, piller votre seigneur, le bailli du palais? Je sais qu'on allait prendre quelque chose chez quelqu'un, c'est tout. Majesté, il avait cette arme sur lui. Est-elle à toi? Oui, c'est ma serpe, je suis vigneron. Reconnais-tu cet homme arrêté en même temps que toi pour ton compagnon? Non, je le connais pas. Tu joues les âmes stupides et bornées, Geoffroy Pincebourde, à ton aise. Si tu ne veux pas parler, tu ne sers à rien. Si tu ne sers à rien, autant te supprimer. Tristan, voilà un homme pour toi. Fais le pendre tout de suite. Tu t'arrangeras pour que monsieur le bailli apprenne demain avec quel zèle je lui fais rendre justice. Allez, viens. Eh bien, voilà qui est expéditif. Quel est ton nom à toi? Mon nom? Oui. Serge Pierre Gringoire. Ton métier? Philosophe, s'il vous plaît. Comment te permets-tu, drôle, toi qui es bachelier, d'aller investir notre ami monsieur le bailli? Qu'as-tu à dire de cette émotion populaire? Moi, c'est ce que j'ai à dire, mais j'en étais pas. Fayard, as-tu me mentir, toi aussi? N'as-tu pas été appréhendé par le guet dans cette mauvaise compagnie? Mais non, sire, il y a méprise. Je vais vous expliquer, vous allez voir. C'est la fatalité, vous comprenez. Moi, je fais des tragédies, comprenez-vous? Je suis poète. N'est-ce pas la mélancolie des gens de ma profession que d'aller la nuit par les rues. Alors, vous comprenez, je passais par là, ce soir, en bâillant, à la lune. C'est grand hasard. On m'a arrêté à tort. Je suis innocent de cette tempête civile, Majesté. Votre Majesté a bien vu que ce truand ne m'a pas reconnu. Oh, je conjure Votre Majesté de m'écouter. Je lui écrirai des ballades, je dirai des vers, je ferai n'importe quoi. Tais-toi. Hein? L'un ne disait rien et l'autre parle trop. Tu nous rends la tête. Sire, peut-on pendre aussi celui-là? Oh, me pendre. Oh. Oh, ma foi, je n'y vois pas d'inconvénient. Oh. Oh, me pendre. Et vous n'y voyez pas d'inconvénient, Majesté. Mais c'est que j'en vois beaucoup, moi. Je n'ai qu'une vie, comprenez-vous, une vie. Voyons, sire, que vos foudres n'éclatent point pour si peu de choses. Que suis-je après tout? Un monarque tel que vous ne bombarde pas une laitue. Sire, je vous apporte votre tisane. Buvez-la bien chaude et très sucrée. Oh oui, oui, bien chaude et très sucrée. Là, voilà, c'est bon. Ce breuvage, Majesté, devrait vous adoucir le cœur. Oh, sire, sire, la clémence est la seule lumière qui puisse éclairer l'intérieur d'une belle âme. Je vous le proteste, Majesté, je ne suis pas un compagnon truand, voleur et désordonné. Je suis un fidèle vassal de votre Majesté. Si vous me faites grâce, sire, j'userai mon habit déjà fort troué en priant à genoux soir et matin pour vous. Sire, je ne suis pas de la briganderie. Ce n'est pas moi qui ferai éclater ces nuées dans le ciel de la rébellion. Un poète ne fait de mal à personne. Faites-moi grâce, sire. Faites-moi grâce. Je vous en supplie. Voyez, je baisse vos pantoufles, sire. Majesté, Eh bien, Majesté, vous ne dites mot. Oh, ce silence m'est une torture. J'aime tant la vie. Tu es un terrible braillard. À défaut du reste, ta langue est bien pendue. Ah oui, oh oui, Majesté, oui, oui, c'est ça. On pourrait en rester là. Tristan. Majesté. Relâche-le. Oh. En liberté. Oui, en liberté. Votre Majesté ne veut pas qu'on le retienne un peu en cage? Compère, crois-tu que ce soit pour de pareils oiseaux que nous faisons faire des cages de 367 livres, 8 sous, 3 deniers? 3 deniers. Lâchez-moi un continent le paillard. Et mettez-le dehors avec une bourrade. Oh, grand merci, mon bon roi. Oh, merci. Mmh. Oh, merci. Bravo. Vive le roi Louis. Bravo, merci. Oh, je vous chanterai partout. Merci, Louis. Merci. Vous voilà de bonne humeur, monseigneur. Que devient cette pointe aiguë de maladie qui vous faisait souffrir tout à l'heure? Ah, sur mon âme, elle a disparu. Oh, regardez donc. Cette lueur rouge qui embrasse la fenêtre. Qu'est-ce que c'est? Hein? Ah, messieurs, il n'y a pas de doute. C'est un feu qui rougeoie. Pour le voir à cette distance, l'incendie doit être grand. Oui, oui, c'est un grand feu. Et c'est une grosse révolte qui se fait là-bas. Il sera difficile d'y résister. Sire, je demande pardon à votre majesté de la calamiteuse nouvelle que je lui apporte. Qu'est-ce à dire? Et pourquoi êtes-vous entouré de soldats? On n'entre pas chez moi en compagnie d'archers. Ils assurent ma protection, sire. Je ne suis qu'un homme d'église, sans armes et sans défense. Pour venir jusqu'à vous, il me fallait une escorte. Monsieur le prévôt de Paris a bien voulu me la fournir. C'est bon, maître Charmolue, comme voulez-vous. Sire, la révolte gronde dans Paris. Je le sais, monsieur le bailli est attaqué. Votre majesté fait erreur. Ce n'est pas sur le bailli du palais que la fureur du peuple se ligue. Et sur qui donc? Mais sur vous, sire. Expliquez-vous, Charmolue. Et tenez bien votre tête, mon compère. Car je vous jure par la croix de Saint-Lô que si vous me mentez à cette heure, l'épée qui a coupé le cou de monsieur de Luxembourg n'est pas si ébréchée qu'elle ne coupe encore le vôtre. Mais, sire... À genoux. Parlez-moi à genoux. Majesté, voilà Une sorcière a été condamnée à mort par votre cour du Parlement, dont je suis l'humble procureur. Elle s'est réfugiée dans Notre-Dame. Le peuple veut l'y reprendre de vive force. Monsieur le prévôt et monsieur le chevalier du Guet, qui viennent de l'émeute, sont là pour me démentir, si ce n'est pas là la vérité. C'est Notre-Dame que le peuple assiège. Oui, ça, Notre-Dame. Ils assiègent dans sa cathédrale Notre-Dame, ma bonne maîtresse, et l'on ne me dit rien que des âneries au sujet de cette rébellion. Tristan, Majesté, tu me parlais du bailli alors qu'il s'agissait de moi. Mais Majesté, les choses ont tourné depuis tout à l'heure. Tais-toi, Maître Charmelu, relevez-vous. Oui, c'est vous qui avez raison, oui. Et ne craignez plus rien. Oui, je verrai au contraire à vous récompenser. Oh, ainsi, c'est à moi qu'on s'attaque. La sorcière est sous la sauvegarde de l'Église. L'Église est sous ma sauvegarde. C'est donc bien moi que l'on attaque et non le bailli. Que décidez-vous, Majesté ? Main basse, Olivier ! Main basse sur ces coquins ! Il faut les tuer, tous ! Viens ici, Tristan. Majesté ? Il y a près de nous, dans cette bastille, les 50 lances du vicomte de Gifle, ce qui fait 300 chevaux. Prends-les. Il y a aussi les archers de M. Phébus de Châteaupers. Prends-les aussi. Extermine, Tristan ! Extermine ! Et que pas un n'en échappe, sauf pour mon faucon. C'est bon, monseigneur, j'y vais. Sire, que ferais-je de la sorcière? La sorcière. Maître Charmolue. Sire. Qu'est-ce que le peuple en voulait faire? Sire, j'imagine que puisque le peuple la vient arracher de son asile de Notre-Dame, c'est que cette impunité le blesse et qu'il veut la pendre. Eh bien, Tristan, extermine le peuple pour s'être rebellé, mais donne-lui satisfaction en exécutant la sorcière. De cette manière, il ne sera pas révolté pour rien. Gouverner, c'est punir le peuple de vouloir et faire ce qu'il veut ensuite au nom du gouvernement. Cependant, Majesté, vous ne devez pas oublier que cette sorcière est dans Notre-Dame. On ne peut l'y prendre sans violer le droit d'asile. Et sur mon âme, c'est pourtant vrai. Et comment pouvons-nous faire? Qu'on m'apporte mon prie-Dieu. Hein? Merci, mes amis, merci. Alors maintenant, écartez-vous. Écartez-vous un peu. Je vais faire mes dévotions. Notre-Dame de Paris, ma gracieuse patronne, pardonnez-moi. Je ne le ferai que cette fois. Il faut punir cette criminelle. Je vous assure, Madame la Vierge, que la sorcière n'est pas digne de votre aimable protection. Vous savez que bien des princes très pieux ont outrepassé le privilège des églises pour la gloire de Dieu et la nécessité de l'État. Pardonnez-moi donc, cette fois à Notre-Dame de Paris, et je vous donnerai une belle statue en argent. Une très belle statue. Et, oh non, du père, du fils, ainsi soit-il. Messieurs, Tristan, Tristan, fais diligence, mon compère. Prends monsieur de Châteaupers avec toi. Faites sonner le tocsin. Écrasez le populaire. Et pendez la sorcière. C'est dit. Vous m'en rendrez compte. J'y vais, sire. Voilà. Voilà, vous êtes trop fatigué, monseigneur. Reprenez de la tisane. Oui. Passe-moi une tasse, quoi qu'il. Voilà. Allez, messieurs, pas de quartier. J'en ai assez de ce roi qui tousse. J'ai vu Charles de Bourgogne, ivre. Il était moins méchant que Louis XI, malade. C'est que, mon compère, les rois ont le vin moins cruel que la tisane. Vous venez d'entendre Notre-Dame de Paris. Adaptation radiophonique de Jacqueline Lenoir d'après Victor Hugo. Réalisation et musique originale de Jean-Wilfried Garrett. Avec, dans les rôles principaux, Michel Bouquet, Claude Frollo, Anne Capril, Esmeralda, Jean-Marie Amato, Quasimodo, Berthe Bovy, La Sachette, Jean Danet, Phébus. Et dans le rôle de Gringoire, Jean-Marc Denberg. Aujourd'hui, vous avez également entendu dans les rôles de Louis XI, Louis Seigné, sociétaire de la Comédie-Française, Jacques Coictier, Louis Arbessier, Olivier Ledain, Roger Carl, Tristan Lhermitte, Teddy Billis, Maître Charmolue, Denis Dinès, sociétaire de la Comédie-Française, et la voix de Jean Péméja. Bruitage, Joël Noël. C'était Notre-Dame de Paris. Ces épisodes, les 49e, 50e, 51e, 52e et 53e du feuilleton Notre-Dame de Paris, ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne parisienne les 12, 13, 14, 15 et 17 juin 1957. Vous pourrez les réécouter en ligne ou les télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ». Dans le Paris de Notre-Dame, de Notre-Dame de Paris, y'a un clochard qu'en a plein le dos, porter Notre-Dame sur son dos. Il se prend pour Quasimodo, regarde dans l'air la vie qui grouille, au lieu de faire des ronds dans l'eau. Tu peux pas vivre comme une grenouille, moitié sur terre, moitié sur l'eau. Moi je pourrais faire rester là-haut, dans le jardin de Notre-Dame, où l'on se fait de bons amis. Y a qu'à se promener chaque matin, un peu de maïs au creux des mains. Les pigeons, moi je les aime bien, les péniches se fichent des pigeons de la cité. Goélette, mouette, elles n'ont que ça dans l'idée. Oui, mais autour de Notre-Dame, y a des voyages à bon marché. Et ces petits coins où le bonheur empêche les maisons de pousser. On l'appelle marché aux fleurs, Henri IV. Verdâtre aime sous son vert de gris la vieille flèche qui lèche le plafond gris de Paris. Et toi sous le pont de Notre-Dame, regarde en l'air, tu comprendras que si tout le monde faisait comme toi, dans ton pinard il y aurait de la pluie. Même les ponts, ça se construit, car pour aller...